Émile Zola, Madame Sourdis. Chapitre 1. Tous les samedis, régulièrement, Ferdinand Sourdis venait renouveler sa provision de couleurs et de pinceaux dans la boutique du père Morand, un rez-de-chaussée noir et humide qui dormait sur une étroite place de Mercœur à l'ombre d'un ancien couvent transformé en collège communal. Ferdinand, qui arrivait de Lille, disait-on, et qui depuis un an était pion au collège, s'occupait de peinture avec passion, s'enfermant, donnant toutes ses heures libres à des études qu'il ne montrait pas. Le plus souvent, il tombait sur Mademoiselle Adèle, la fille du père Morand, qui peignait elle-même de fines aquarelles dont on parlait beaucoup à Mercœur. Il faisait sa commande. « 3 tubes de blanc, je vous prie, 1 d'ocre jaune, 2 de vert véronèse. » Adèle, très au courant du petit commerce de son père, servait le jeune homme en demandant chaque fois « Et avec ça ?»« C'est tout pour aujourd'hui, mademoiselle. » Ferdinand glissait son petit paquet dans sa poche, payait avec une gaucherie de pauvre qui craint toujours de rester en affront, puis s'en allait. Cela durait depuis une année, sans autre événement. La clientèle du père Morand se composait bien d'une douzaine de personnes. Mercœur, qui comptait 8 000 âmes, avait une grande réputation pour ses tanneries, mais les beaux-arts y végétaient. Il y avait 4 ou 5 galopins qui barbouillaient sous l'œil pâle d'un Polonais, un homme sec au profil d'oiseau malade. Puis les demoiselles l'évêque, les filles du notaire, s'étaient mises à l'huile, mais cela causait un scandale. Un seul client comptait, le célèbre Rennequin, un enfant du pays qui avait eu de grands succès de peintre dans la capitale, des médailles, des commandes, et qu'on venait même de décorer. Quand il passait 1 mois à Mercœur, au beau temps, cela bouleversait l'étroite boutique de la place du collège. Morand faisait venir exprès des couleurs de Paris, et il se mettait lui-même en 4, et il recevait Rennequin découvert en l'interrogeant respectueusement sur ses nouveaux triomphes. Le peintre, un gros homme bon diable, finissait par accepter à dîner et regardait les aquarelles de la petite Adèle, qu'il déclarait un peu pâlotte, mais d'une fraîcheur de rose. « Autant ça que de la tapisserie, » disait-il en lui pinçant l'oreille. « Et ce n'est pas bête. » Il y a là-dedans une petite sécheresse, une obstination qui arrive au style. Hein? Travaille, et ne te retiens pas. Fais ce que tu sens. » Certes, le père Morand ne vivait pas de son commerce. C'était chez lui une manie ancienne, un coin d'art qui n'avait pas abouti et qui perçait aujourd'hui chez sa fille. La maison lui appartenait, des héritages successifs l'avaient enrichi, on lui donnait de 6 à 8 000 francs de rente. Mais il n'en tenait pas moins sa boutique de couleurs dans son petit salon du rez-de-chaussée, dont la fenêtre servait de vitrine. Un étroit étalage où il y avait des tubes, des bâtons d'encre de Chine, des pinceaux, et où, de temps à autre, paraissaient des aquarelles d'Adèle entre des petits tableaux de sainteté, œuvre du Polonais. Des journées se passaient, sans qu'on vît un acheteur. Le père Morand vivait quand même heureux dans l'odeur de l'essence, et lorsque Madame Morand, une vieille femme languissante, presque toujours couchée, lui conseillait de se débarrasser du magasin, il s'emportait en homme qui a la vague conscience de remplir une mission. Bourgeois et réactionnaire, au fond d'une grande rigidité dévote, un instinct d'artiste manqué le clouait au milieu de ses 4 toiles. Où la ville aurait-elle acheté des couleurs? À la vérité, personne n'en achetait. Mais des gens pouvaient en avoir envie. Et ils ne désertaient pas. C'était dans ce milieu que Mademoiselle Adèle avait grandi. Elle venait d'avoir 22 ans. De petite taille, un peu forte, elle avait une figure ronde, agréable, avec des yeux minces. Mais elle était si pâle et si jaune qu'on ne la trouvait pas jolie. On aurait dit une petite vieille. Elle avait déjà le teint fatigué d'une institutrice vieillie dans la sourde irritation du célibat. Pourtant, Adèle ne souhaitait pas le mariage. Des parties s'étaient présentées qu'elle avait refusées. On la jugeait fière. Elle attendait un prince, sans doute. Et de vilaines histoires couraient sur les familiarités paternelles que Rennequin, un vieux garçon débauché, se permettait avec elle. Adèle, très fermée, comme on dit, silencieuse et réfléchie d'habitude, paraissait ignorer ses calomnies. Elle vivait sans révolte, habituée à l'humidité blême de la place du collège, voyant à toutes heures devant elle, depuis son enfance, le même pavé moussu, le même carrefour sombre où personne ne passait. Deux fois par jour seulement, les galopins de la ville se bousculaient à la porte du collège. Et c'était là son unique récréation. Mais elle ne s'ennuyait jamais, comme si elle eût suivi, sans un écart, un plan d'existence arrêté en elle depuis longtemps. Elle avait beaucoup de volonté et beaucoup d'ambition, avec une patience que rien ne lassait, ce qui trompait les gens sur son véritable caractère. Peu à peu, on la traitait en vieille fille. Elle semblait vouée pour toujours à ses aquarelles. Cependant, quand le célèbre Rennequin arrivait et parlait de Paris, elle l'écoutait, muette, toute blanche, et ses minces yeux noirs flambaient. « Pourquoi n'envoies-tu pas tes aquarelles au salon ?» lui demanda un jour le peintre qui continuait à la tutoyer en vieille amie. « Je te les ferai recevoir !» Mais elle eut un haussement d'épaule et dit avec une modestie sincère, gâtée pourtant par une pointe d'amertume, « Oh, de la peinture de femme, ça ne vaut pas la peine !» La venue de Ferdinand Sourdis fut toute une grosse affaire pour le père Morand. C'était un client de plus, et un client très sérieux, car jamais personne à Mercœur n'avait fait une telle consommation de tubes. Pendant le premier mois, Morand s'occupa beaucoup du jeune homme. Surpris de cette belle passion artistique, chez un de ces pions qu'il méprisait pour leur saleté et leur oisiveté, depuis près de 50 ans qu'il les voyait passer devant sa porte. Mais celui-ci, à ce qu'on lui raconta, appartenait à une grande famille ruinée, et il avait dû, à la mort de ses parents, accepter une situation quelconque pour ne pas mourir de faim. Il continuait ses études de peinture, il rêvait d'être libre, d'aller à Paris, de tenter la gloire. Une année se passa. Ferdinand semblait s'être résigné, cloué à Mercœur par la nécessité du pain quotidien. Le père Morand avait fini par le mettre dans ses habitudes et il ne s'intéressait plus autrement à lui. Un soir, cependant, une question de sa fille lui causa un étonnement. Elle dessinait sous la lampe, s'appliquant à reproduire avec une exactitude mathématique une photographie d'après un Raphaël. Lorsque, sans lever la tête, elle dit, après un long silence, « Papa, pourquoi ne demandes-tu pas une de ces toiles à M. Sourdis ? On la mettrait dans la vitrine ?»« Tiens, c'est vrai !» s'écria Morand. « C'est une idée. Je n'ai jamais songé à voir ce qu'il faisait. Est-ce qu'il t'a montré quelque chose ?»« Non !» répondit-elle. « Je dis ça en l'air. Nous verrons au moins la couleur de sa peinture. » Ferdinand avait fini par préoccuper Adèle. Il la frappait vivement par sa beauté de jeune blond, les cheveux coupés ras, mais la barbe longue, une barbe d'or, fine et légère, qui laissait voir sa peau rose. Ses yeux bleus avaient une grande douceur, tandis que ses petites mains souples, sa physionomie tendre et noyée, indiquaient toute une nature mollement voluptueuse. Il ne devait avoir que des crises de volonté. En effet, à deux reprises, il était resté 3 semaines sans paraître. La peinture était lâchée, et le bruit courait que le jeune homme menait une conduite déplorable dans une maison qui faisait la honte de Mercœur. Comme il avait découché de nuit, et qu'un soir il était rentré ivre-mort, on avait parlé même un instant de le renvoyer du collège. Mais, à jeun, il se montrait si séduisant qu'on le gardait, malgré ses abandons. Le père Morand évitait de parler de ces choses devant sa fille. Décidément, tous ces pions se valaient, des êtres sans moralité aucune. Et il avait pris, devant celui-ci, une attitude rogue de bourgeois scandalisé, tout en gardant une tendresse sourde pour l'artiste. Adèle n'en connaissait pas moins les débauches de Ferdinand, grâce au bavardage de la bonne. Elle se taisait, elle aussi. Mais elle avait réfléchi à ces choses, et s'était sentie une colère contre le jeune homme, au point que, pendant 3 semaines, elle avait évité de le servir, se retirant dès qu'elle le voyait se diriger vers la boutique. Ce fut alors qu'elle s'occupa beaucoup de lui, et que toutes sortes d'idées vagues commencèrent à germer en elle. Il était devenu intéressant. Quand il passait, elle le suivait des yeux, puis réfléchissait, penchée sur ses aquarelles, du matin au soir. « Eh bien ? » demanda-t-elle le dimanche à son père. « Est-ce qu'il t'apportera un tableau ?» La veille, elle avait manœuvré de façon à ce que son père se trouvât à la boutique lorsque Ferdinand s'était présenté. « Oui, » dit Morand, « mais il s'est fait joliment prier. Je ne sais pas si c'est de la pose ou de la modestie. Il s'excusait et il disait que ça ne valait pas la peine d'être montré. Nous aurons le tableau demain. » Le lendemain, comme Adèle rentrait le soir d'une promenade aux ruines du vieux château de Mercœur, où elle était allée prendre un croquis, elle s'arrêta, muette et absorbée, devant une toile sans cadre, posée sur un chevalet, au milieu de la boutique. C'était le tableau de Ferdinand Sourdis. Il représentait le fond d'un large fossé, avec un grand aluvère, dont la ligne horizontale coupait le ciel bleu. Et là, une bande de collégiens en promenade s'ébattait, tandis que le pion lisait allongé dans l'herbe. Un motif que le peintre avait dû dessiner sur nature. Mais Adèle était toute déconcertée par certaines vibrations de la couleur et certaines audaces de dessin qu'elle n'aurait jamais osé elle-même. Elle montrait dans ses propres travaux une habileté extraordinaire, au point qu'elle s'était approprié le métier compliqué de Rennequin et de quelques autres artistes dont elle aimait les œuvres. Seulement, il y avait dans ce nouveau tempérament qu'elle ne connaissait pas un accent personnel qui la surprenait. « Eh bien ?» demanda le père Morand debout derrière elle, attendant sa décision. « Qu'en penses-tu ? » Elle regardait toujours. Enfin, elle murmura, hésitante et prise pourtant. « C'est drôle, c'est très joli !» Elle revint plusieurs fois devant la toile, l'air sérieux. Le lendemain, comme elle l'examinait encore, Rennequin, qui se trouvait justement à Mercœur, entra dans la boutique et poussa une légère exclamation. « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il regardait, stupéfait. Puis, attirant une chaise, s'asseyant devant la toile, il détailla le tableau. Il s'enthousiasma peu à peu. « Mais c'est très curieux. Le ton est d'une finesse et d'une vérité. Voyez donc les blancs des chemises qui se détachent sur le vert. Et original, une vraie note. Dis donc, fillette, ce n'est pas toi qui as peint ça. » Adèle écoutait, rougissant, comme si on lui avait fait à elle-même ses compliments. Elle se hâta de répondre. Non, non, c'est ce jeune homme, vous savez, celui qui est au collège. Vrai, ça te ressemble, continuait le peintre. C'est toi, avec de la puissance. Ah, c'est de ce jeune homme. Eh bien, il a du talent, et beaucoup. Un tableau pareil aurait un grand succès au salon. Rennequin dînait le soir avec les Morand, honneur qu'il leur faisait à chacun de ses voyages. Il parla peinture toute la soirée, revenant plusieurs fois sur Ferdinand Sourdis, qu'il se promettait de voir et d'encourager. Adèle, silencieuse, l'écoutait parler de Paris, de la vie qu'il y menait, des triomphes qu'il y obtenait. Et, sur son front pâle de jeune fille réfléchie, une ride profonde se creusait, comme si une pensée entrait et se fixait là, pour n'en plus sortir. Le tableau de Ferdinand fut encadré et exposé dans la vitrine, où les demoiselles l'évêque vinrent le voir. Mais elles ne le trouvèrent pas assez fini. Et le Polonais, très inquiet, répandit dans la ville que c'était de la peinture d'une nouvelle école qui niait Raphaël. Pourtant, le tableau eut du succès. On trouvait ça joli. Les familles venaient en procession reconnaître les collégiens qui avaient posé. La situation de Ferdinand au collège n'en fut pas meilleure. Des professeurs se scandalisaient du bruit fait autour de ce pion, assez peu moral pour prendre comme modèle les enfants dont on lui confiait la surveillance. On le garda cependant, en lui faisant promettre d'être plus sérieux à l'avenir. Quand Rennequin l'alla voir pour le complimenter, il le trouva pris de découragement, pleurant presque, parlant de lâcher la peinture. « Laissez donc !» lui dit-il avec sa brusque bonhomie. « Vous avez assez de talent pour vous moquer de tous ces cocos-là. Et ne vous inquiétez pas, votre jour viendra. Vous arriverez bien à vous tirer de la misère, comme les camarades. J'ai servi les maçons, moi qui vous parle. En attendant, travaillez, tout est là. » Alors, une nouvelle vie commença pour Ferdinand. Il entra peu à peu dans l'intimité des Morand. Adèle s'était mise à copier son tableau, la promenade. Elle abandonnait ses aquarelles et se risquait dans la peinture à l'huile. Rennequin avait dit un mot très juste. Elle avait, comme artiste, les grâces du jeune peintre, sans en avoir les virilités, ou du moins elle possédait déjà sa facture, même d'une habileté et d'une souplesse plus grandes, se jouant des difficultés. Cette copie, lentement et soigneusement faite, les rapprocha davantage. Adèle démonta Ferdinand, pour ainsi dire, posséda bientôt son procédé, au point qu'il restait très étonné de se voir dédoublé ainsi, interprété et reproduit littéralement, avec une discrétion toute féminine. C'était lui, sans accent, mais plein de charme. À Mercœur, la copie d'Adèle eut beaucoup plus de succès que l'original de Ferdinand. Seulement, on commençait à chuchoter d'abominables histoires. À la vérité, Ferdinand ne songeait guère à ces choses. Adèle ne le tentait pas du tout. Il avait des habitudes de vice qu'il contentait ailleurs et très largement, ce qui le laissait très froid près de cette petite bourgeoise, dont l'embonpoint jaune lui était même désagréable. Il la traitait simplement en artiste, en camarade. Quand il causait, ce n'était jamais que sur la peinture. Il s'enflammait, il rêvait tout haut de Paris, s'emportant contre la misère qui le clouait à Mercœur. Ah, s'il avait eu de quoi vivre, comme il aurait planté là le collège! Le succès lui semblait certain. Cette misérable question de l'argent, de la vie quotidienne à gagner, le jetait dans des rages. Et elle l'écoutait, très grave, ayant l'air, elle aussi, d'étudier la question, de peser les chances du succès. Puis, sans jamais s'expliquer davantage, elle lui disait d'espérer. Brusquement, un matin, on trouva le père Morand mort dans sa boutique. Une attaque d'apoplexie l'avait foudroyé, comme il déballait une caisse de couleurs et de pinceaux. 15 jours se passèrent. Ferdinand avait évité de troubler la douleur de la fille et de la mère. Quand il se présenta de nouveau, rien n'avait changé. Adèle peignait, en robe noire, Madame Morand restait dans sa chambre, à sommeiller. Et les habitudes reprirent, les causeries sur l'art, les rêves de triomphe à Paris. Seulement, l'intimité des jeunes gens était plus grande. Mais jamais une familiarité tendre, jamais une parole d'amour ne les troublait dans leur amitié purement intellectuelle. Un soir, Adèle, plus grave que de coutume, s'expliqua avec netteté après avoir regardé longuement Ferdinand de son clair regard. Elle l'avait sans doute assez étudié. L'heure était venue de prendre une résolution. « Écoutez, dit-elle, il y a longtemps que je veux vous parler d'un projet. Aujourd'hui, je suis seule, ma mère ne compte guère, et vous me pardonnerez si je vous parle directement. » Il attendait, surpris. Alors, sans un embarras, avec une grande simplicité, elle lui montra sa position, elle revint sur les plaintes continuelles qu'il laissait échapper. L'argent seul lui manquait. Il serait célèbre dans quelques années s'il avait eu les premières avances nécessaires pour travailler librement et se produire à Paris. « Eh bien, conclut-elle, permettez-moi de venir à votre aide. Mon père m'a laissé 5 000 francs de rente et je puis en disposer tout de suite, car le sort de ma mère est également assuré. Elle n'a aucun besoin de moi. » Mais Ferdinand serait crié. Jamais il n'accepterait un pareil sacrifice. Jamais il ne la dépouillerait. Elle le regardait fixement, voyant qu'il n'avait pas compris. « Nous irions à Paris, reprit-elle avec lenteur. L'avenir serait à nous. » Puis, comme il restait effaré, elle eut un sourire. Elle lui tendit la main en lui disant d'un air de bonne camaraderie « Voulez-vous m'épouser, Ferdinand? C'est encore moi qui serai votre obligé, car vous savez que je suis une ambitieuse. Oui, j'ai toujours rêvé la gloire, et c'est vous qui me la donnerez. » Il balbutiait, ne se remettait pas de cette offre brusque, tandis que tranquillement, elle achevait de lui exposer son projet. Longtemps mûri. Puis, elle se fit maternelle en exigeant de lui un seul serment, celui de se bien conduire. Le génie ne pouvait aller sans l'ordre, et elle lui donna à entendre qu'elle connaissait ses débordements, que cela ne l'arrêtait pas, mais qu'elle entendait le corriger. Ferdinand comprit parfaitement quel marché elle lui offrait. Elle apportait l'argent, il devait apporter la gloire. Il ne l'aimait pas. Il éprouvait même à ce moment un véritable malaise à l'idée de la posséder. Cependant, il tomba à genoux, il la remercia, et il ne trouva que cette phrase qui sonna faux à ses oreilles. « Vous serez mon bon ange !» Alors, dans sa froideur, elle fut emportée par un grand élan. Elle le prit dans une étreinte et le baisa au visage. Car elle l'aimait, séduite par sa beauté de jeune blond. Sa passion endormie se réveillait. Elle faisait là une affaire où ses désirs longtemps refoulés trouvaient leur compte. 3 semaines plus tard, Ferdinand Sourdis était marié. Il avait cédé moins à un calcul qu'à des nécessités et à une série de faits dont il n'avait su comment sortir. On avait vendu le fond de tubes et de pinceaux à un petit papetier du voisinage. Madame Morand ne s'était pas émue le moins du monde, habituée à la solitude. Et le jeune ménage venait de partir tout de suite pour Paris, emportant la promenade dans une malle, laissant Mercœur bouleversé par un dénouement si prompt. les demoiselles l'évêque disaient que madame Sourdis n'avait que juste le temps d'aller faire ses couches dans la capitale.